Bonjour et bienvenue à la radio à ON. Et comme vous savez, c'est une nouvelle émission où on fait des capsules avec des candidats dans le but de faire la promotion d'options nationales. Et aujourd'hui, j'ai l'occasion de rencontrer M. Pierre Beaudoin, qui est candidat dans la circonscription de Rimouski. Bonjour, M. Beaudoin. Bonjour. M. Beaudoin, comme vous le savez, Option nationale est un nouveau parti, un parti qui est très... Qui est très rafraîchissant, un parti qui arrive avec de nouvelles idées. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir aussi, c'est qu'est-ce qui fait que vous, à une personne avec votre expérience, qu'est-ce qui vous a amené à militer pour ce parti-là? Donc, dans le fond, si vous pouvez juste me parler justement de vos expériences à vous, pour commencer. Bon, eh bien, on s'entend là, vous parlez à quelqu'un qui a pratiquement 55 ans. Alors, donc, je suis pas un jeune, alors que le trois quarts des membres du parti sont des moins de 35 ans. J'ai moi-même 30 ans. Ah, voilà. Alors, sur ce, j'ai vécu naturellement le premier référendum de 1980. À l'époque, j'étais à l'Université de Montréal. J'étais étudiant en physique et je militais. J'avais ma carte de membre et pour le parti, je faisais du pointage. Et à l'époque, j'avais un emploi à la bibliothèque d'informatique du campus et mon directeur, mon patron, dont j'ai oublié le nom malheureusement, était aussi très, très militant pour le Parti québécois. Et déjà à l'époque, on critiquait le fait qu'il n'y avait qu'un seul porte-voix de la souveraineté, c'est-à-dire le Parti québécois, qui était, avouons-le, tout récent. Il venait de prendre le pouvoir en 1976. Mm-hmm. Donc déjà, on avait la conviction, nous deux, qu'un seul porteur d'eau ne pouvait nous amener à la souveraineté. Après ce premier militantisme, le travail professionnel, la famille m'a fait délaisser la politique. Et puis maintenant, mais toujours en m'y intéressant, toujours en étant souverainiste, sauf que depuis 15 ans, je l'avoue, depuis 1995, en fait, le dernier référendum, un peu le désenchantement par rapport au Parti québécois et même au bloc avec les années. Donc depuis 15 ans, je ne votais plus ni PQ ni bloc. Je m'étais tourné vers le Parti vert, puisque moi-même, j'œuvre depuis la fin des années 80 et début 90 dans le domaine des énergies renouvelables. Alors, je m'étais tourné vers la plateforme du Parti vert, pas parce qu'elle me plaisait, mais c'était... Une alternative, façon de faire avancer la cause écologiste. C'est important pour moi, puis ça l'est toujours d'ailleurs. Donc, je me disais, puis la logique était toute simple, à partir du moment où au Canada, au Québec, 5% des électeurs votent vert, nécessairement, les autres partis n'auront pas le choix d'en tenir compte. Et on a vu au cours des décennies, des années qui ont suivi, que tous les partis maintenant, que ce soit au fédéral ou au provincial, ont dans leur plateforme des points qui touchent à l'environnement. Même si on juge à cette élection-ci, on en a peu parlé, il en reste pas moins que chaque parti en a sa plateforme le sujet de l'écologie et de l'environnement. Donc, de ce point de vue-là, la cause, vous voyez, le groupe de pression qui était derrière, dans le fond, le Parti vert, oui, et qui est toujours présent, a fait évoluer les choses et les mentalités. Donc, c'est une très, très bonne chose. Donc, dans cet esprit-là, aujourd'hui, suite à la création du parti Option nationale par Jean-Martin Hossan, le fait de ramener à l'avant-plan, mais vraiment là, en priorité, le fait de ramener le lit, ça, c'est la base même d'Option nationale, le fameux lit, c'est-à-dire le rapatriement de nos impôts, de nos lois, de nos impôts, de nos traités, c'est une affirmation de souveraineté. On s'entend bien, on n'est pas en train de dire on va faire un référendum, puis on va consulter les Québécois, puis si ça marche, les conditions sont gagnantes, ou peu importe. Nous, on dit, si on prend le pouvoir, là, de facto, on rapatrie nos lois, nos impôts, on gère ça ici. C'est une plateforme qui se présente justement comme étant une plateforme très claire. J'aimerais qu'on y revienne un petit peu tout à l'heure, mais pour l'instant, j'aimerais savoir, vous présentez pour la circonscription de Rimouski, est-ce que vous êtes une personne qui est native de la région? Non, je suis pas natif de la région. En fait, je suis natif de la région de Montréal, mais il y a déjà plus de 25 ans que je parcours la province, que je bourlingue un peu partout. Donc, j'ai demeuré, avant d'être ici à Rimouski, ici je suis depuis 5 ans à Rimouski, et on l'a fait par choix, c'est un choix de venir vivre à Rimouski. On était aux Îles-de-la-Madeleine, On y a été pratiquement 10 ans pour élever nos enfants. Ici, j'ai des adolescents. Avant les îles, on était dans la région métropolitaine, la banlieue nord. J'ai vécu en Mauricie, j'ai vécu en Abitibi. Mmh. Mon côté professionnel, parcouru l'entièreté du Québec, à peu près juste le Grand Nord, j'ai pas été, et j'espère bien y aller bientôt, l'Ungava. Sinon, j'ai fait le Québec de Valleyfield à Port-Cartier, mais même à Natashquan. Donc, je connais très, très bien le Québec. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que je me définis plus comme un Québécois que comme un Montréalais ou un Rimouskois. Et j'ai, depuis plus de 25 ans, je vis en région, donc j'ai aussi le plaisir de croire que je suis un amalgame des deux. C'est-à-dire que j'aime la ville pour ce qu'elle peut apporter, puis elle a des défauts, bien entendu, mais aussi la région, j'aime la région pour ce qu'elle nous apporte aux Québécois, et elle a aussi ses problèmes, bien entendu. Et je fais le lien entre les deux, et ça me plaît. D'ailleurs, encore actuellement, c'est paradoxal, mais... d'aucuns pourraient trouver ça complètement fou. En fait, ça, c'est complètement fou. Moi, actuellement, ma famille est à Rimouski. Je ne vais pas la déménager parce qu'on est trop bien, mais je travaille à Montréal. Donc, à toutes les semaines, je fais le tour. Oui, exactement. C'est comme si je montais au chalet, mais je fais 6 heures de route. Mais c'est difficile de ne pas revenir dans la région ici parce qu'on sait que c'est une très belle région. Là, présentement, on a l'occasion pour la capsule de se rencontrer face à face parce que j'habite la région moi aussi. Si vous auriez à définir la région, puis qu'est-ce qui tient à cœur aux gens aussi, qu'est-ce que vous croyez qui est vraiment caractéristique de la région et des gens d'ici? Bien, écoutez, j'ai un petit credo que j'aime répéter aux gens, et c'est pour m'amuser, c'est un clin d'œil, bien entendu. Je dis souvent que Rimouski, la région de Rimouski, est le reflet de tout le Québec. On retrouve tout le Québec à Rimouski. C'est très culturel ici, En fait, on trouve la ville, le milieu urbain. On a une métropole, une capitale régionale, avec son cégep, son université. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point, dans les régions, c'est important d'avoir ces institutions-là au sein des communautés. Donc, on a ça. Et avec l'université et le cégep, on a aussi des communautés culturelles qui viennent d'ailleurs étudier. Donc, ça, c'est comme si on se retrouvait à Montréal. On a un grand centre hospitalier, on a une université, on a des communautés culturelles diverses. Et ça, c'est un enrichissement pour la communauté ici à Rimouski. Donc ça, c'est très, très important. Et moi qui ai grandi à Montréal et vécu au centre-ville de Montréal, Dieu sait que je les ai toujours côtoyés. Donc je retrouve ça et je me sens comme à Montréal là-dessus, en guillemets, bien entendu. L'autre caractère de Rimouski, c'est que naturellement, on n'a pas besoin d'aller très loin, puis on se retrouve en milieu agricole et forestier. Et moi, j'ai passé toute mon enfance, toutes les fins de semaine, les vacances d'été, dans les Laurentides. Alors moi, la forêt, le bois, aux îles, j'étais pas malheureux, parce qu'on peut pas être malheureux aux îles de la Madeleine. Sauf que ce côté forestier-là, agricole, moi, c'était Saint-Lin, c'était Joliette, et je le retrouve aussi, il y a 5 minutes. Donc ça aussi, il y a ce côté-là, agricole, forestier, dans cette même région, tout près à proximité. Autre aspect, si vous me permettez, côté maritime. Oui, c'est regarde, vrai. Regarde, tu vis 10 ans aux îles de la Madeleine, à tous les matins, tu pognes ta butte et puis tu vois le golfe, tu vois la mer. Moi, c'est immanquable. Je descends Cathédrale parce que je demeure tout près de l'université et c'est de voir le fleuve, l'île Saint-Bernardin en face. Puis il est marée. Donc, puis de temps en temps, on a notre petit air salin qui vient agrémenter notre milieu. Donc ça, c'est fantastique. Et je termine par le côté, ce qu'on dit, c'est le milieu urbain, mais la périphérie, là, les banlieues. Oui. Donc, même à Rimouski, on trouve nos banlieues. Et c'est là mon clin d'œil, c'est parce que je trouve qu'il y a ici, par gens qui y vivent, la plus grande densité de Mustangs qu'il y a au Québec. La seule autre place où j'en trouve autant, c'est à Saint-Eustache, où mes beaux-parents demeurent. Donc, autrement dit, les gens aiment l'automobile. Mais, OK, on s'entend, c'est un clin d'œil que je fais là. Oui, aussi. Mais j'y retrouve aussi cet aspect-là, de l'amour des technologies, de la machine, puis bon, regardez. Donc, Rimouski, c'est le Québec. Oui, bien, d'une certaine manière, et je pense que vous avez totalement raison, et j'adore la façon que vous en parlez de manière aussi passionnée, puis je pense que ça, c'est un aspect qui va revenir très souvent au niveau des autres candidats, même que je vais avoir l'occasion à qui parler. Là, on a parlé de beaucoup d'aspects au niveau de la région aussi. On parle du maritime, on parle du côté agricole aussi. Qu'est-ce qui, selon vous, dans la plateforme d'Option nationale, pourrait vraiment aider une région comme Rimouski ou une autre région aussi qui est similaire? OK. Alors, un des aspects dans la plateforme d'Option nationale qui, moi, là, je le défends bec et ongles et je m'accroche là-dessus, c'est le fait qu'on envoie par année 50 milliards de nos impôts au fédéral. J'ai pris l'analogie dernièrement de dire qu'on a comme 4 cartes de crédit. On en a une au fédéral, provincial, municipal et scolaire. Alors, comme un bon conseiller financier, j'ai envie de dire qu'il faut faire une rationalisation de dette. Et il y a une carte de crédit qui est trop, puis il y a une, entre autres, qu'on est deux à jouer dessus. Alors, coupons ça du fédéral, rapatrions ces sommes-là qui vont pouvoir nous profiter à investir dans nos régions pour son développement. Donc, vous allez me dire, c'est une recette miracle. Écoutez, c'est pas une recette miracle. 50 milliards de dollars, c'est quand même pas rien. Alors, en quelque part, il y a des sommes qui sont là, qui sont affectées à autre chose que nos propres intérêts, ne serait-ce que les fameux avions de chasse, ou que ce soit 1 milliard de dollars en sécurité pour un G8 à Toronto, ou que ce soit pour soutenir l'industrie automobile de l'Ontario plutôt que l'industrie forestière au Québec. Donc, vous comprenez là, que ça, ce point-là, il est névralgique pour moi. Le fait de pouvoir rapatrier ça, même chose au niveau de nos lois, ne plus dépendre, si on garde Kyoto, si ça avait été chez nous, on avait été maître chez nous de ces lois-là et des traités, on aurait été même plus loin que Kyoto. Là, on est un boulet au niveau international à cause des sables bitumineux. Donc, vous comprenez que tout ça, pour moi, est interrelié. On ramène les pouvoirs fiscaux et législatifs plus près du citoyen, c'est-à-dire québécois. Et naturellement, en ayant plus de moyens, on va pouvoir justement favoriser notre développement régional. Si je peux me permettre, même à la limite, concernant Kyoto, très précisément, j'ai un commentaire peut-être un peu éditorial, mais c'est même honteux d'être Canadien aujourd'hui, internationalement, à cause de ça. On était vraiment un leader en termes d'environnement et en termes de politique pour avancer. Et puis, maintenant tout le monde le sait, avec le gouvernement qu'on a actuellement qui favorise grandement l'économie dans l'Ouest et donc toute l'exploitation au niveau des sables bitumineux. Donc, c'était évident que le protocole de Kyoto ne pourrait pas être respecté et c'est pourquoi qu'on s'est fait tasser de ça. Mais c'est vraiment honteux d'être Canadien aujourd'hui à cause de ça. Puis, quelqu'un comme vous qui a l'environnement autant à cœur, ça doit être difficile à vivre. Ah, écoutez, on essaie de ne pas faire une campagne négative sur le dos de la peur parce que, dans le fond, c'est trop facile. Puis jusqu'à quel point ça rapporterait. On essaie de mettre en avant nos idées et de dire, regardez, si on était maître chez soi, bien, on pourrait contrôler le développement durable de nos ressources et maximiser des retombées dans nos régions. Je vous donne un exemple. Moi, j'œuvre dans le domaine de l'éolien, donc j'ai participé aux 2-3 derniers appels d'offres d'Hydro-Québec dans le secteur de l'éolien. Une fois, entre autres, je l'ai été du côté des agriculteurs, puisqu'avec la CDRC, Coopérative de développement régional et Martin Gagnon, nous avons développé l'ensemble des coops en énergie renouvelable du Bas-Saint-Laurent. C'est nous qui les avons installés au milieu des années 2000. Et puis, j'ai aussi, par le fait même, par la suite, parce qu'il faut bien travailler, je me suis retrouvé du côté des promoteurs privés. Et j'en ai fait des séances publiques. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on se retrouve pas avec quelque chose de parfait, mais il en reste pas moins que là, maintenant, les promoteurs, pour développer leur projet, ont l'exigence d'avoir un partenaire local. Actuellement, c'est souvent les municipalités, mais associés avec les MRC. Puis souvent, on va le voir de plus en plus, ça va être des partenariats 50-50. Et c'est très bien. Et aussi, dans les appels d'offres d'Hydro-Québec, il y a un minimum garanti, 60 % pour la région Gaspésie-Matane et 30 % au Québec. Donc ça, c'est des mesures qu'on pourrait reprendre à tous les niveaux de nos ressources naturelles. C'est-à-dire maximiser, exiger d'avoir un seuil minimum de retombées locales. Et puis, à ce moment-là, on parle beaucoup aussi en même temps de nationalisation des ressources. Et chez Option nationale, il y a une autre partie aussi que je trouve qui serait intéressante de manière locale ici, surtout concernant l'agriculture, c'est que dans le programme, il y a un point qui, justement, veut mettre sur place un plan pour aider, justement, les gens qui sont dans l'agriculture pour que ces gens-là puissent mieux profiter de leur agriculture. Un plan pour que le Québec devienne autosuffisant en termes alimentaires et aussi pour que les gens qui exploitent tout ça localement puissent avoir des fonds de pension, des choses comme ça, pour les inciter justement à le faire, parce qu'on sait présentement qu'au niveau de l'agriculture, en termes d'exploitation de fermes, c'est en grande baisse, en grosse partie à cause de ce genre d'aspect-là. Exact. Mm. Sauf qu'on s'entend, là, on fera pas l'autruche. Là. Non. Vous savez, quand on parle d'indépendance énergétique, ouais, ou dans ce cas-ci d'autonomie agroalimentaire, on est loin de la coupe aux lèvres. Il y a énormément de choses à faire parce que le marché, il faut bien comprendre qu'il est mondial. Il n'est pas juste local. Sauf qu'on pourrait revenir à un certain protectionniste. Peut-être qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, là, mais en quelque part, on pourrait le faire pour obliger les distributeurs, les gros distributeurs sur le marché de l'agroalimentaire au Québec, de s'assurer d'avoir un minimum de présence de produits de chez nous sur les tablettes. Et un meilleur affichage des produits locaux aussi. Absolument, oui. Absolument. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça, c'est important. Il faut faire un effort. En fin de semaine, j'étais au marché public. C'est là l'été. On l'apprécie avec les produits locaux. Mais moi, je rêve d'un marché public à longueur d'année, comme à Montréal. Vous me dites qu'il n'y a pas la clientèle? Non. Je pense qu'il y a moyen de développer des choses parce qu'on a des gens qui produisent de la viande, de la volaille. On a des producteurs maraîchers en serre qui peuvent produire de la salade. À partir du moment où on peut leur garantir un volume d'achat puis un accès aux consommateurs, à ce moment-là, ils vont pouvoir s'organiser. Ça ne sera pas juste une fin de semaine, ça va devenir un point de vente régulier ici à Rimouski pour pouvoir distribuer. On sait qu'il y a des initiatives par rapport à des paniers de légumes, de fruits. Oui. Bon, alors, c'est tout ça qu'il faut vraiment favoriser puis faire la promotion pour s'assurer que localement, ils se dépensent au moins 10 à 20 $ de plus par semaine en produits locaux chez nous. Donc, c'est vraiment, à ce moment-là, on parle vraiment d'un plan d'avenir. On travaille pour les gens de chez nous. Et puis, tout ça va être beaucoup plus facilement. Tout ça est réalisable sans faire la souveraineté. Mais on sait qu'en ayant nos propres moyens et en contrôlant tout, en étant souverain, ça devient beaucoup plus facile de réaliser ce genre de plan d'avenir. Vous savez, demain matin, il y a une activité avec les forestiers, l'industrie forestière, oui, à laquelle je vais participer. Ces gens-là sont compétents, ils ont des idées, ils ont des solutions. Encore faut-il les écouter. Même chose au niveau agricole, c'est la même chose. Donc, je ne pense pas être original et je pense que mes autres adversaires politiques vont à peu près avoir le même discours que moi. Mm. C'est là que moi, je me distingue en disant, regarde, si je vais chercher 50 milliards d'impôts par année, OK, peut-être que je vais avoir plus de moyens à investir d'une manière ponctuelle, précise, dans des créneaux qui me sont propres. Et là, on ne va pas voir une partie de cet argent-là dispersé à des choses qui nous touchent, mais alors là, absolument pas. Donc, c'est là qu'on récupère des... Puis ça, c'est concret, là, c'est des vraies sommes qui sont là. Mm. Là, on n'a même pas parlé de la nationalisation des ressources naturelles. Non, c'est ça. Imagine. Donc, si on rajoute ça... Puis là, encore là, la nationalisation, il faut bien faire attention. Là. C'est pas nous, le gouvernement, qui est en train d'embaucher du monde puis qui va pelleter puis qui va creuser des trous. Les experts, c'est pas nous. Sauf qu'à partir du moment où on est en contrôle de nos ressources, c'est nous qui figurons les plans de développement de la matière, que ce soit minier, que ce soit halieutique ou que ce soit forestier ou autre. Alors à ce moment-là, on travaille avec des partenaires privés, bien sûr, mais là, on est dans une autre dynamique, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas juste à recevoir les redevances difficilement gagnées, mais là, on est un partenaire. Vous voyez, c'est tout cet aspect-là qui est différent, oui, dans la notion même de nationalisation. Oui, je comprends très, très bien votre point. J'admire beaucoup votre passion. Monsieur Baudouin, je vous remercie beaucoup pour l'entretien d'aujourd'hui. Ça vient un dernier mot pour les électeurs, savoir pour la plateforme et puis vous aussi comme candidat. Bien, écoutez, le 4 septembre prochain, c'est important. On nous a accusés à tort de diviser le vote. La journée où il y aura un référendum, on va tous voter de la même façon. Donc, je ne crois pas qu'on divise le vote. Aussi, la réalité, la pluralité d'options politiques, elle est là et va s'implanter de plus en plus, même si on est encore pris dans un système de dualité, de oui, pouvoir. C'est une réalité qui est là pour rester. Donc, de ce point de vue-là, je pense que j'invite les électeurs locaux à aller voter selon leurs aspirations et non pas stratégiques. Et si tout le monde le fait, finalement, le vote stratégique n'existera plus. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir se sortir d'une dualité entre partis politiques. Exact. Monsieur Baudouin, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En terminant, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à aller visiter le blog radioaon.wordpress.com et nous sommes aussi sur iTunes, donc vous pouvez aller vous abonner et puis télécharger nos prochaines capsules. Je suis Maxime Tremblay et je vous remercie beaucoup. Bonne journée.